antipathique, pas chez le bureau. À 15 ans, la boulage des ronces. Non, madame, j'ai pas d'âge du bureau. Tu es antipathique, je suis antipathique, non. Demande à palette. Tu es antipathique, je suis antipathique, non. Demande à palette. On est les rois de la promo. Des règles, on en fait des légos. Les deux, on joue avec Comic Cano. Pas de pitié pour ces zéros. Tout le monde aura son cano. Tu es antipathique, je suis antipathique, non. Demande la panique. Tu es antipathique, je suis antipathique, non. Demande la panique. Tu es antipathique, je suis antipathique, non. Demande la panique. Je suis antipathique, non, donne-moi du pâté.